J'ai tout laissé tomber pour ne plus te blesser. J'ai voulu effacer des traces d'où j'arrivais. J'ai brûlé tous les papiers qui pouvaient te conserver. Des moyens pour accéder à te retrouver. J'ai écrit quelques mots pour expulser la haine. Animer mes âmes. Je n'en voulais pas à toi, mais bien plus à moi d'être tellement idiot, de pas pouvoir te dire ces quelques petits mots. Je t'aime toi et toute ta matière. À cet instant précis, appelle-moi, pardonne-moi, dis-moi si je peux te revoir. Si je peux te revoir. Je t'aime.